Auditrice, amis auditeurs, bonsoir. Vous êtes bien à l'écoute de RGM, Radio Guémozo. Le Guémozo, c'est le nom d'un ruisseau au-dessus de rue où là, on a fait des émissions pendant quelques temps. Et bon, on n'a pas voulu changer de nom. Quand on est venu à Saint-Étienne, on a gardé ce nom-là. Hein. Alors, Radio Guémozo, ben, c'est une radio locale, hein, bien sûr. Quoique maintenant, on peut nous entendre assez loin. Il paraît qu'on nous a entendu au moins une fois. On nous a écouté au moins une fois au Canada et en Hongrie. Et ben oui, avec Internet. Parce que on était vraiment une radio locale, hein, très limitée en zone d'écoute. Et ben et ça s'est bien élargi, hein, grâce à Internet. Et oui, puis grâce à Internet, on arrive à avoir aussi des informations qui permettent de faire le genre d'émission que vous allez écouter tout à l'heure. Le calendrier des esclavages et des libérations, par exemple. Alors, au programme ce soir, eh bien, face à Macron, pourquoi il ne faut rien lâcher. Ensuite, Blast, résister et en finir avec la violence d'État. Résister et en finir avec la violence d'État. Et puis, le bonheur de revoir Adrien Quatennens, par Michel Tyrone. Clément Viktorovitch donne une leçon à Gabriel Attal. Blast nous parle de Macron, l'arnaqueur. Mélenchon nous parle de la pénibilité au travail. Et puis un extrait de l'émission sur la vie de Lula, président du Brésil. Et puis une petite revue de presse. Voilà, ce sera tout pour ce soir. Le calendrier des esclavages et des libérations. Que s'est-il passé le 13 février ? Eh bien, le 13 février 1525, par exemple, en Allemagne, les paysans des villages de la région de Memmingen, près de Würzburg, exigent l'élection libre de leurs pasteurs et l'allègement de leurs charges. Vous rendez compte un peu, en 1525, ils étaient drôlement en avance sur leur temps, hein ? Ben oui, il y avait déjà eu des républiques à Rome et puis en Grèce, mais quand même, c'était il y a longtemps, hein. Eh oui. 1934, en Autriche, proclamation de la loi martiale. Le Parti social-démocrate, les syndicats, la diète et le conseil municipal de Vienne sont dissous. 1936, France. Incident révélateur de l'état d'esprit du pays. À la veille des élections, Léon Blum, socialiste, rentre chez lui en voiture. Sur le boulevard Saint-Germain, il rencontre le cortège d'un enterrement royaliste. Les amis du défunt reconnaissent Blum et le tabassent. Les ouvriers d'un chantier voisin prennent sa défense. Y a-t-il encore des royalistes en France en 2023? Un au moins Il est sûrement pas tout seul alors. Hein. 1945, Allemagne. Bombardement de terre anglo-américain sur Dresde. Bombardement de terreur anglo-américain sur Dresde, rempli de réfugiés qui viennent de fuir le front de l'Est. Il y a autant de morts qu'à Hiroshima. Les Allemands qui, en 1933, avaient voté pour Hitler, ils ont dû dire « on aurait mieux fait de voter autrement hein, », parce que maintenant on se fait massacrer par les bombardiers. 1946, Grande-Bretagne. La loi anti-grève de 1926 est supprimée. 1946, aux USA, le Parti communiste est restauré, mais il tombera sous les dispositions de la loi Taft-Hartley. Nul ne peut être à la fois délégué syndical et membre du Parti communiste. C'était aux USA en 1946. Hein. 1949, au Canada, les travailleurs de la mine d'amiante de John Manville commencent une grève historique pour l'élimination des poussières nocives de l'amiante, pour une augmentation de 15 cents de l'heure et pour un rôle plus important des syndicats dans les décisions de la compagnie. Alors rappelons que l'amiante est une substance connue comme étant cancérigène depuis 1912. Et on sait, depuis 1912 ou peu de temps après, qu'une seule particule de poussière d'amiante est contraire à la loi. Une seule particule. 1949, Canada. Hein? Oui, oui. Le progrès avance. Arculons souvent. 1974, URSS. Arrivée en République fédérale d'Allemagne, d'Alexandre Solzhenitsyn, expulsé de Moscou et déchu de la nationalité soviétique pour son opposition au régime. Sa famille pourra le rejoindre à Zurich le 29 mars. 1981, Espagne. José Arregui, militant basque de l'ETA, succombe à la prison de Carabanchel à Madrid. 1981, Espagne. José Arregui, militant basque de l'ETA, succombe donc à la prison de Carabanchel à Madrid. 1982, France. Des nationalisations paraissent au journal officiel. Elles concernent, entre autres, 5 grands groupes industriels, 2 groupes sidérurgiques, Usinor et Sacilor, les industries de l'armement et de l'espace, 36 banques et 2 compagnies financières. Pendant 7 mois, l'opposition de droite a utilisé tous les procédés juridiques pour retarder ou empêcher cette loi. 1500 amendements, 4 votes négatifs au Sénat, 2 recours au Conseil constitutionnel. Vous voyez la droite, hein, la droite. Oh là là, la droite, elle est très à droite. Oh oui, oh là là, qu'elle est à droite, qu'elle est habile. Et qu'elle est juste, hein. Ah oui, les gens de droite, ils sont justes, c'est pour ça qu'on vote pour eux dans les Vosges depuis des générations. Eh oui, on a eu quand même 2 députés de gauche, hein, en 1981, mais pas avant et pas après. Hein. Ah, le Vosgien, il est, eh oui, il est comme son patron, lui dit. On vote pour être bien vu, voilà. Hein. Eh ben oui, il n'y a que comme ça qu'on a de la promotion, il n'y a que comme ça qu'on arrive à garder son logement et puis à garder son boulot. Hein, oui, mal payé, mais voilà. 1984, France, journée d'action régionale de la CGT en Lorraine devant l'inquiétude des travailleurs face à la restructuration industrielle. a l'impression que c'est un combat syndicat contre gouvernement. En fait, c'est faux. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a une manifestation, il y a des gens qui prennent un jour de grève. Quand ils prennent un jour de grève, ils perdent sur leur fiche de paie à la fin du mois dans un contexte où tous les prix augmentent. Ils jouent sur la résignation. Alors, ils ont été surpris, là, parce qu'ils pensaient qu'il n'y allait pas avoir autant de gens. Ils l'avaient dit. Ils l'avaient dit, oui, il y aura une poignée de gens qui vont manifester, c'est toujours les mêmes, les syndicats, etc. Ils ont été surpris. Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouvel Instant Porcher. Je suis ravie de vous retrouver. L'Instant Porcher, c'est un petit moment qu'on se prend entre nous avec Thomas Porcher chaque semaine pour décrypter l'actualité, car les discours sont politiques et les comprendre est une véritable arme démocratique. Je vous le rappelle, le média ne dépend que de votre soutien, vos abonnements et vos dons. Rendez-vous sur onarrive.lemediatv.fr pour nous soutenir. Ce projet de télé libre et indépendante ne peut se faire sans vous. Au programme aujourd'hui, le retour de manif de Thomas Porcher et ce rapport Oxfam qui montre que les infimes plus riches s'enrichissent et les pauvres s'appauvrissent. Entre 1 et 2 millions de personnes dans les rues françaises, et pas que la métropole, jeudi dernier, pour la grosse journée de grève et manifestation contre la réforme des retraites. Alors, selon le ministère de l'Intérieur, les manifestants étaient 1,1 million, et selon la CGT, plus de 2 millions. Les rues étaient noires de monde, évidemment, on y était, avec le média, j'y étais, tu y étais aussi, Thomas. Selon Harris Interactive Toluna, plus de 2 Français sur 3 soutiennent les mouvements de grève. Le nom des Français a l'air assez catégorique. Voyons maintenant la réponse du président de la République. Il y a, comme vous le dites, dans une démocratie des règles et un bon fonctionnement, il faut que les choses soient dites au moment où les choix démocratiques sont faits. Et à l'élection présidentielle qui s'est tenue, somme toute, il n'y a que quelques mois, et aux élections législatives qui ne se sont tenues, y compris qu'il n'y a quelques mois, les choses ont été dites clairement. Elles ont ensuite été négociées dans un temps que nous avons laissé avec les forces syndicales et patronales. Nous rentrons maintenant dans le temps de la proposition du gouvernement. Elle va donner lieu à un travail démocratique parlementaire qui permettra à toutes les forces politiques, à l'Assemblée, au Sénat de s'exprimer, d'enrichir le projet et de pouvoir aller au terme d'une réforme qui est une réforme qui a donc été démocratiquement présentée, validée, qui est une réforme surtout juste et responsable. Bon, c'est dans le projet qu'une partie des Français a voté, même si, après son élection en avril, Emmanuel Macron disait ça. Je sais aussi que nombre de nos compatriotes ont voté ce jour pour moi. Non pour soutenir les idées que je porte, mais pour faire barrage à celles de l'extrême droite. Et je veux ici les remercier et leur dire que j'ai conscience que ce vote m'oblige pour les années à venir. Je suis dépositaire de leur sens du devoir, de leur attachement à la République, et du respect des différences qui se sont exprimées ces dernières semaines. Le gouvernement campe sur ses positions. L'intersyndicale annonce, elle, une nouvelle journée de mobilisation le 31 janvier. Thomas, pour toi, est-ce qu'il ne faut rien lâcher là ? Il faut rien lâcher du tout. Alors ça va être très difficile parce que le contexte n'est pas le même que 95. 95, il n'y avait pas l'inflation, il n'y avait pas la chute du pouvoir d'achat comme on a vécu ces derniers mois avec la hausse des prix. Et il a fallu quand même un mois de mobilisation où il n'y avait pas du tout de transport en commun pour que le gouvernement lâche. Là, on a Emmanuel Macron, qui n'est pas face à un enjeu de réélection et qui veut tenir pour rentrer dans l'histoire. On l'a déjà dit ici, le but pour lui, c'est d'arriver à la fin de son mandat et de dire à la Thatcher, j'ai réformé contre les miniers, c'est ce que disait Thatcher, là, j'ai réformé les retraites, le marché du travail, j'ai baissé le déficit, et en plus, je vais avoir un beau taux de chômage en radiant tout le monde, donc j'ai été au bout de ce que j'ai fait. Donc le combat va être dur, et c'est pour ça qu'entre les deux manifestations, c'est bien qu'il y ait un certain nombre de choses, moi je trouve, qui s'organisent, comme samedi avec la LFI, il faudrait que toutes les gauches se joignent à ça, il faut plus faire de politique là, je veux dire, les deux tiers des Français sont opposés à cette réforme, qu'ils soient de gauche, de droite ou d'ailleurs. Donc là, le but, c'est de se concentrer, de frapper et d'arrêter Macron sur cette réforme-là. Donc c'est bien qu'il y ait des mouvements entre les deux dates qui soient organisées et que la grève continue. Il faut que ce soit vraiment un phénomène multiplicateur et pas un phénomène où il y a une espèce de grève perlée où on fait un jour, puis tout redevient normal, on pense à autre chose et on refait un autre jour. Il faut vraiment que le gouvernement entende qu'il y ait une colère. Du coup, tu prévois comment les prochaines semaines ? Je pense que ça va être très douloureux parce qu'en fait, c'est pas un combat à égalité. Là, on a l'impression que c'est un combat syndicat contre gouvernement. En fait, c'est faux. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a une manifestation, il y a des gens qui prennent un jour de grève. Quand ils prennent un jour de grève, ils perdent sur leur fiche de paie à la fin du mois dans un contexte où tous les prix augmentent, où la majorité des salariés sont déjà pris à la gorge. Alors que le gouvernement, lui, quand il joue la montre, il ne perd rien. Il ne perd rien. Quand vous faites un plateau télé, vous passez leur métier même. Donc ils ne perdent rien. Donc qu'est-ce que va faire Macron et le gouvernement ? Bah, il va essayer de jouer sur le temps, comme ça. Il joue sur la résignation. Alors ils ont été surpris là parce qu'ils pensaient qu'il n'allait pas avoir autant de gens. Ils l'avaient dit. Il avait dit, oui, il y aura une poignée de gens qui vont manifester, c'est toujours les mêmes, les syndicats, etc. Ils ont été surpris. Mais là, ils savent très bien que sur le temps, il y a une partie des gens qui soutiennent les manifestations, mais qui ne pourront pas se déplacer. Et ils vont dire, bah, regardez, ça s'estompe, c'est qu'une poignée de gens un petit peu radicaux, la CGT, qui veulent aller au combat, et les autres, en fait, ils sont repris de travail tranquillement, ce sont des bons Français, etc. Donc lui, il va jouer la montre. Et là, ça va être un contexte très difficile parce que, en fait, personne n'a de temps. Parce que le temps, c'est perdre de l'argent dans un contexte extrêmement difficile qu'il n'y avait pas en 95. Donc c'est pour ça qu'il faut concentrer l'effort sur le début. Il faut vraiment que, il faut que les luttes s'agrègent. Et même, je trouve ça bien, moi, que les syndicats soient d'accord. Et si on peut agréger d'autres revendications à côté de ça, les artisans, la jeunesse, etc., ça fait un petit peu, comment vous dire, une espèce de d'agrégation de lutte qui est un peu moins délimitée que Macron craint un peu plus. Mmh. Parce que là, il ne sait plus qui sont les interlocuteurs. Il y a les syndicats, c'est très simple, on peut leur parler. Puis après, il y a des gens, on ne sait plus vraiment qui sont les interlocuteurs et on a un petit peu peur de cette colère-là. Et donc, il faut vraiment là qu'il faut y aller. Il ne faut pas se dire c'est une journée et puis une autre journée dans 2-3 semaines. Là, il faut y aller. Il faut que ce soit quasiment tous les jours qu'on ait l'impression que tous les jours, il y ait ce combat sur les retraites pour pas qu'ils lâchent. Parce que eux, ils vont jouer le temps pour que justement passer leur loi et que les gens se découragent. Il faut qu'on mette un coup d'arrêt à ce gouvernement, un stop. Cette réforme, c'est une énième attaque de plus qui a un but simple, baisser les pensions. Voilà, faire des économies sur notre dos. Oui, on va travailler plus longtemps, mais surtout, les gens ils vont devoir partir en retraite anticipée avant, ou vont perdre leur emploi avant, et donc vont devoir partir avec des retraites de misère. Il faut qu'ils comprennent, c'est ça qu'ils veulent faire. Alors que le CAC 40, les 40 plus grandes entreprises, ont versé 80,7 milliards d'euros de dividendes à leurs actionnaires. La planète ne va pas bien, le monde ne va pas bien, mais eux ils s'en mettent plein les poches et nous on devrait accepter une énième réforme. Il faut une grève générale contre ce gouvernement, il faut un plan de bataille de grève au conductible, que les secteurs convergent, les AG Interpro, comme en 2019, mais plus fort. C'est ça qu'on doit construire et la jeunesse a toute sa place là-dedans. Mais c'est surtout plus grave que ça. Si on laisse passer cette réforme, c'est quoi celle d'après? C'est quoi la mesure d'après? Il va s'attaquer à quoi? Les frais d'inscription? Les facs, les privatiser, tout le service public. C'est une question politique, c'est une question de classe. Si aujourd'hui on leur met un coup d'arrêt, c'est la possibilité pour nous de changer cette logique. Je suis infirmier aux urgences. Ça fait 11 ans que je travaille de nuit aux urgences et ma retraite à taux plein sera entre 65 et 66 ans. Autrement dit, je ne serai pas en vie si je continue aux urgences pour faire ça, très clairement. À l'heure actuelle, à l'hôpital public, c'est de la maltraitance. C'est de la maltraitance à tous les niveaux. Les professionnels sont maltraités, les patients finissent par devenir maltraités aussi. Aujourd'hui, vous disiez tout à l'heure l'intérêt de la grève. Si on avait les capacités, et je remercie les camarades de la CGT et de la SNCF, si on avait les capacités de bloquer nos hôpitaux, aujourd'hui les gens mourraient pas dans les brancards. Aujourd'hui, pour défendre ça, on est obligé de tous se mettre en arrêt maladie pour dire stop. Parce que ça devient intolérable ce qui est en train de se passer. Et le problème, c'est pas l'hôpital, c'est le gouvernement qui ne nous écoute pas. Ça fait 4 ans avec le collectif Interurgence qu'on demande les mêmes choses. Plus de personnel, plus de salaire, plus de lits. À aucun moment, le gouvernement n'a ouvert des lits. On était un an avant la pandémie. Ils sont totalement responsables de ce qui s'est passé pendant cette pandémie. On a eu une chance extraordinaire, un mouvement médical un an avant une pandémie qui est historique en France. Ça fait depuis des années 80 qu'on n'avait pas vu ça. Leur réponse a été tellement insuffisante qu'on a été dans la même panade que tous les autres pays européens, qui eux n'avaient pas eu de mouvement pour la santé. C'est vous dire s'ils n'ont pas du tout répondu à la question qu'on leur avait posée. Donc aujourd'hui, j'attends plus rien de ce gouvernement. La réforme de la retraite, c'est une continuité de ce qui a été fait depuis le début, qui vise à détruire à peu près tous les fondements qu'on a réussi à avoir avec la sécurité sociale. Vous parliez du Conseil de la Résistance, mais le but du jeu à l'heure actuelle, c'est de détruire ce Conseil de la Résistance, de faire en sorte que tout soit capitalisé et que tout soit privé. Alors je vous le dis tout de suite, si vous voulez une santé privée, il n'y a pas de souci. 80% des Français n'ont pas les moyens de se payer des séjours en réanimation s'il leur arrive quelque chose. Je vous le dis tout de suite, 24 heures en réanimation, c'est plus de 2500 euros. D'accord? Donc vous calculez très vite, 2500 euros, c'est même pas le salaire moyen en France. Donc oui, il faut protéger ce système-là. Et tant que le gouvernement rentrera dans une confrontation entre nous, le capital, et qu'essaiera de privatiser à tout prix tout ce qu'il voit entre lui, c'est-à-dire la retraite, l'hôpital, l'école. Entre les jeunes qui se mobilisent fortement, ou encore les soignants qui poussent des cris d'alarme, est-ce que le malaise, le mal-être ne sont pas bien plus profonds que seulement la réforme des retraites, qui serait comme un coup de grâce en fait? Déjà, moi j'ai entendu beaucoup de critiques sur les jeunes, notamment en leur disant « mais ils vont manifester, ils n'ont pas eu le bac, ils comprennent rien à cette réforme des retraites ». Mais je crois qu'on n'a pas besoin de comprendre tout. Il y a même des gens du gouvernement, je pense, qui comprennent pas trop cette réforme de retraite parce qu'il y a beaucoup de points obscurs. Et je pense que si demain on prenait un député en marche comme ça au hasard, on lui demandait de nous l'expliquer, expliquer, je pense que même lui, il serait pas très à l'aise. Donc la réalité des faits, c'est que cette réforme, elle a pour but de faire des économies. On l'a dit plein de fois, et même Bruno Le Maire a dit tous les amendements sont possibles à condition qu'on respecte cette économie de 10 milliards, qui est une économie qui vient vraiment compenser les baisses de fiscalité, notamment d'impôts de production qui ont été faits sur les entreprises. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas besoin d'être un spécialiste de la retraite ou d'être un spécialiste de l'économie pour comprendre que il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas bien. Les gens aujourd'hui ont des yeux, ont des oreilles, ils voient très bien les bénéfices records du 440, ils voient très bien les inégalités. Il n'y a pas besoin de faire des études randomisées sur 20 ans pour se rendre compte qu'il y a des inégalités. Vous sortez dans la rue, vous les voyez tout de suite, vous les percevez tout de suite. Vous regardez le prix de l'immobilier, vous voyez des gens qui arrivent à acheter des appartements quand d'autres n'arrivent même pas à en louer parce qu'ils n'ont pas trois fois plus et toutes les garanties, etc. Donc les inégalités, elles sont criantes aujourd'hui. Et là, on se rend compte que il y a eu des cadeaux fiscaux qui ont été faits très fortement. Il y a eu des gens qui se sont enrichis très fortement, on va le voir avec le rapport d'Oxfam. Et puis de l'autre côté, il y a des économies qui sont toujours demandées aux mêmes. Et avant cette réforme-là, il y a eu la réforme de l'assurance chômage. On a demandé des économies aux chômeurs. Maintenant, on demande des économies aux vieux. Et demain, ça va être quoi? On a demandé avant des économies à la santé, à l'hôpital avant le Covid. Puis après, c'est quoi? Les dernières aides sociales, au handicap, etc. Donc, il y a une forme d'injustice, et je veux dire, qui est perceptible maintenant, qui est dans l'air, qui est même plus cachée. Et les gens le ressentent. Donc, il y a une forme de colère. Et c'est Macron a peur de ça. Et il a passé cette réforme maintenant parce qu'il a fait encore une fois ce pari de la résignation. Les gens n'iront pas parce qu'ils veulent pas perdre une journée de travail, parce que c'est l'inflation, donc c'est le bon moment de la passer. En réalité, il se rend compte là, et c'est là qu'il est surpris, que les gens ont quand même, pour le moment, il faut que ça continue, la colère qui dépasse la résignation. Je ne comprends pas pourquoi on prend sur nos retraites, sur nos santé, quand on sait que de l'argent, il y en a. Voilà la phrase que j'ai le plus entendue lors de la manifestation contre la réforme des retraites jeudi dernier. Et cette dernière actualité ne fait que l'illustrer. Les 1% les plus riches ont capté 63% des richesses produites. Donc les 99% autres se sont partagés, les 37% restants. On a appris ça lundi dernier dans le dernier rapport Oxfam, la loi du plus riche. Mais attention, soyons précis, car quelques raccourcis peuvent être faits. On ne parle pas de qui détient la richesse, on parle de qui capte la nouvelle richesse produite depuis 2020, donc en gros le surcroît de richesses produites par rapport à l'année d'avant. Pendant les crises Covid, d'inflation, de guerre, les infimes plus riches s'en sont très bien sortis et les crises leur ont même été profitables. Les milliardaires ont enregistré des profits records pendant la pandémie. Oxfam écrit « L'afflux d'argent public injecté dans l'économie par les pays riches, qui était nécessaire pour soutenir leurs citoyens et citoyennes, a également alimenté la hausse des prix des actifs et avec elle la fortune des milliardaires. En l'absence d'un impôt progressif, les grandes fortunes ont donc amassé des richesses sans précédent. Prenons nos milliardaires français. Les 10 premiers sont plus riches qu'avant épidémie, qu'avant crise. Depuis 2020, la fortune des 43 milliardaires français a augmenté de plus de 200 milliards d'euros, soit une hausse de 58%. Les 95 plus grandes entreprises de l'énergie et l'agroalimentaire ont multiplié leurs profits par 2,5, plus de 300 milliards d'euros. Et 84% des profits supplémentaires a été reversé aux actionnaires, alimentant la fortune des milliardaires de ces secteurs. Ces profits tombés du ciel, ou plutôt de la plèbe de la guerre, ne sont pas sans conséquence. L'énergie a connu une augmentation de 28%, de nombreux aliments de première nécessité de 12%. En France, plus de la moitié de l'augmentation du prix de l'énergie serait due aux marges exceptionnelles de ces quelques entreprises et près de 40% du prix pour les transports, avec les répercussions sur l'essence, le gaz, mais aussi l'alimentation qu'on connaît, rapporte Oxfam. De l'autre côté, la pauvreté gagne du terrain. Pour la première fois en 25 ans, montre Oxfam, la lutte contre la pauvreté dans le monde a connu son plus grand recul depuis la Seconde Guerre mondiale, écrivent-ils. Et d'après le FMI, un tiers de l'économie mondiale sera en récession en 2023. Pour la première fois, le PNUD, Programme des Nations Unies pour le Développement, a constaté que le développement humain est en recul dans 9 pays sur 10. Thomas, pourquoi les inégalités ont-elles autant augmenté ? Déjà, elles augmentent depuis une trentaine d'années. En fait, il y a eu un changement dans le fonctionnement des entreprises et des grandes entreprises qui a fait qu'on est passé alors de ce qu'on appelait un capitalisme managérial, où il y avait le chef qui avait un salaire, où les actionnaires à l'époque récupéraient 35-45% des profits, et où on voulait en fait, comme il y avait un ennemi qui était l'URSS, on voulait faire une forme de capitalisme de la séduction. C'est-à-dire qu'il fallait que tout le monde ait son gain. Les ouvriers, dans l'image de l'Américain, où l'ouvrier avait sa maison, sa voiture, ses enfants pouvaient aller à l'université, le patron gagnait mieux et l'actionnaire se portait bien. Mais il n'y avait pas des déséquilibres complètement fous comme on le trouve aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé dans les années 80? Toute la logique de l'entreprise a été chamboulée. On est passé dans la logique actionnariale. C'est-à-dire que le patron d'une entreprise aujourd'hui a un salaire en fonction de ce qu'il donne aux actionnaires. Donc toute l'entreprise s'est mise au service des actionnaires. Et dans les profits que génère une entreprise, ou les bénéfices, hein, un actionnaire récupère aujourd'hui 60% à 80% parfois. Le reste, ça va aux salariés et à l'investissement. Donc tout est concentré en fait sur l'actionnaire. Ce qui veut dire que les salaires des grands patrons se sont envolés. Dans les années 60-70, vous aviez un différentiel de 40 entre un salaire moyen et un patron dans une entreprise. Aujourd'hui, il est de 200 à 300. Vous voyez ? Donc les salaires des grands patrons se sont envolés. Et les salaires des détenteurs d'actions se sont également envolés. Et ça s'est envolé par cette logique-là et par la mondialisation, qui a fait qu'on pouvait constamment compresser les coûts. Au début, les usines étaient en France. Donc ça dégageait un certain profit, vous compressez les coûts, vous mettez les usines en Roumanie ou en Asie, vous avez des coûts encore plus faibles, plus de profits, plus grosse part qui va aux actionnaires et les actionnaires s'enrichissent, alors même qu'ils ne connaissent rien à l'entreprise. Donc il y a eu en fait tout un tas de règles qui ont été mises en place, qui ont servi les plus riches, avec cette idée en fait que plus il y a des riches, plus ça ruissellera et la société ira mieux. Or, on se rend compte aujourd'hui, et là on le voit bien dans ce dernier rapport, c'est qu'il n'y a pas de ruissellement, c'est-à-dire qu'il y a la pauvreté qui augmente en même temps que la richesse augmente. Donc c'est l'inverse du ruissellement. Donc il y a eu vraiment tout un tas de choses qui ont été mises en place, d'idées très très très présentes dans l'esprit des dirigeants, comme quoi il fallait avantager les plus riches, même si les conséquences sont mauvaises. Et on se souvient de Macron, il faut toujours le rappeler, ne jamais l'oublier. Macron, il a quand même offert 4 milliards de baisse de fiscalité aux 1% les plus riches qui détiennent déjà 25% du patrimoine français. C'est-à-dire ce qu'il y a dans les comptes en banque, et ça, c'est impressionnant, et ce qu'il y a en immobilier. Et là, il leur a donné 4 milliards de baisse de fiscalité avec cette idée qu'ils allaient investir, et nous savons aujourd'hui qu'ils n'ont pas investi. Il y a 3 ou 4 rapports de France Stratégie qui le disent. Donc on voit bien que l'idée reste dans la tête qu'il ne faut surtout pas taxer les plus riches parce qu'ils sont créateurs de richesses, d'emplois, que ça va ruisseler. Mais les faits montrent que c'est faux. La hausse des inégalités, hein, c'est un constat partagé, tu l'as dit juste avant. Pourquoi le gouvernement ne veut pas taxer les plus riches avec tout ce qu'on a entendu là sur les super profits ou encore ce que tu viens de dire sur l'ISF? Oui, il y a même des riches qui ont demandé à Davos, hein, il y a une tribune signée par 200 millionnaires et milliardaires qui ont demandé à être taxés. Parce qu'ils se rendent compte que la situation va mal. Warren Buffett disait que lui, il avait une taxation plus faible. Warren Buffett, un milliardaire, à un moment qui était première fortune mondiale, disait qu'il avait une pression fiscale plus faible que sa secrétaire. C'est intéressant, mais on vit dans ce monde-là aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les petites PME, les professions libérales, les auto-entrepreneurs, le chauffeur de Uber a une pression fiscale plus forte qu'une société du CAC 40. Le chauffeur de Uber a une pression fiscale plus forte que la plateforme qui l'emploie Uber. Donc il y a une vraie injustice fiscale aujourd'hui. Et qui mine le consentement à l'impôt. Il y a plein de gens qui ne veulent plus payer d'impôts. Ils disent pourquoi moi je devrais payer alors que lui qui est plus riche ne paye pas. Donc on revient un peu dans un système du Moyen-Âge où les très riches ne payent pas d'impôts et les plus pauvres payent des impôts pour que la société puisse fonctionner. Et donc il y a un vrai problème. Il faut que les riches contribuent. Il faut que ce soit un impôt qui soit progressif. Je veux dire, un riche qui va perdre quelques millions, un riche qui a une fortune de 20, 30, 40, 50, 60, 70 millions, qu'il ait une fortune de 70 ou 71 à la fin de l'année plutôt que 75, ça ne change rien à sa vie. Par contre, si on taxe ce supplément et qu'on l'injecte dans des services publics, là, ça profite à tous. Il ne faut jamais oublier que le patrimoine du pauvre, c'est le service public. Et que le service public, il faut le financer. Le pauvre le finance suffisamment, la pression fiscale d'en haut n'est pas assez élevée, il faut l'augmenter. Oxfam met en avant la fiscalité. Est-ce que ce ne serait pas la clé de voûte? On peut regarder par exemple ce graphique, on peut voir sur qui pèse la fiscalité dans le monde, ou encore ces éléments que l'ONG nous apprend. Entre 2014 et 2018, Elon Musk, l'un des hommes les plus riches au monde, a bénéficié d'un taux d'imposition réel dépassant à peine 3%. Albert Christine, qui vend du riz, de la farine et du soja sur un marché du nord de l'Ouganda, dégage $80 de bénéfices par mois. Elle est imposée, elle, à 40%. C'est bien ce genre de différence qui est pointé ici. Tu as commencé à en parler. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Surtout qu'il ne faut jamais oublier qu'Elon Musk, dans beaucoup de ses investissements, il a été soutenu par l'État. Elon Musk a reçu beaucoup de subventions pour ses entreprises, SpaceX, Tesla. Il a reçu énormément de subventions de l'État et d'aides de l'État. Donc sa fortune est conditionnée en amont à des subventions de l'État et à des aides de l'État. Et donc il ne faut jamais oublier ça. C'est qu'à un moment, quand vous êtes partie prenante d'une réussite, il faut aussi que la réussite redistribue. Ça peut être le cas des grands acteurs ou des grands chanteurs français. Un chanteur français a bénéficié souvent d'aides, de salles publiques mises à sa disposition. Parfois, il y a de la publicité sur des télés publiques. Et après, bah, il doit aussi payer des impôts. Ça fait partie du jeu. C'est les Français qui achètent ses disques, grâce parfois même à des prestations sociales, et ainsi de suite. Donc, il doit payer. Donc ça, c'est important d'avoir ça en tête. C'est-à-dire qu'une réussite n'est jamais individuelle. Parce qu'on a mis ça dans la tête des gens. Une réussite est individuelle. Donc, à partir du moment où c'est individuel, c'est lui, c'est son mérite. Pourquoi on veut le voler en le taxant? C'est ça la base de la réflexion. Alors qu'en réalité, une réussite n'est jamais individuelle et donc il faut que la collectivité récupère une partie qui ne va pas appauvrir complètement la personne, mais une partie de sa richesse. Après, comment faire? Alors, il y a beaucoup de gens qui vont vous dire pour qu'il y ait plus d'égalité, il faut qu'il y ait moins de pauvres, donc il faut qu'il y ait de la formation, etc. D'accord, mais à un moment, quand la distribution est inégalitaire, l'économie, c'est tu crées une valeur

jugé, même quand il y a des dérapages graves. L'injonction violente, le comportement d'adjudant-chef et la répression, quand l'obéissance n'est pas immédiatement au rendez-vous, est ce qui les caractérise le mieux. Cette tribune, pourrait-on dire, a son origine dans un meeting que nous avions organisé avec coude à coude il y a à peu près 2 mois, qui s'intitulait « Tu résistes, tu es criminel ?» et où on a vu beaucoup de secteurs, des syndicalistes, des militants de droit au logement, des migrants, des aides aux migrants, des professeurs sanctionnés sans motif énoncé par le rectorat, etc. Des femmes aussi mal accueillies dans les commissariats ou devant les tribunaux, se rejoindre pour dire « En fait, la répression nous atteint toutes et tous, depuis longtemps, il y a des effets cliquets, mais à chaque fois qu'on lutte, finalement, à chaque fois, on perd. Donc, ça n'est plus guère possible, il faut que l'on conjugue nos diagnostics et surtout nos résistances en une sorte de fédération des résistances. Cette tribune, c'est... j'allais dire, le point de départ de cette fédération des résistances. La banalisation de la violence d'État, elle est à l'œuvre maintenant de longue date. Avant Macron même, depuis Valls, pourrait-on dire, elle a pris une forme tout à fait inacceptable. Alors, le problème, c'est qu'elle se développe dans tous les espaces, où existent des menaces pour l'ordre libéral. Aujourd'hui, on nous serine qu'on a le droit de manifester, il est constitutionnel ce droit, mais enfin, il s'apparente de plus en plus au droit de se faire matraquer, humilier, nasser. Personne ne va plus manifester sans la peur au ventre. C'est parfaitement inacceptable. Les règles de l'état d'exception sont également rentrées dans la loi ordinaire, désormais, dans l'indifférence générale, sans grande résistance, faut bien le dire, avec des assignations à résidence, des perquisitions abusives, des interpellations préventives, des associations dissoutes. De plus en plus de syndicalistes se sont renvoyés devant les tribunaux. Et depuis les lois El Khomri, Pénicaud, avec la réforme de l'indemnisation du licenciement abusif, il y a de moins en moins de recours possibles devant les prud'hommes, tout simplement parce que les salariés savent qu'ils vont rien gagner. S'ajoute à ça la réforme de l'assurance chômage, qui force à accepter n'importe quel emploi et qui culpabilise les chômeurs, alors qu'une grande partie d'entre eux déjà vit sans indemnité. Et puis ce sont les écologistes de terrain brutalisés. Et puis ce sont les aides aux migrants qui sont criminalisées jusqu'à 5 ans de prison, possiblement, 30 000 euros d'amende. Et puis vient maintenant, alors, sur le droit au logement, le projet de loi Berger-Kasbarian qui s'en va condamner virtuellement à 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende les locataires qui ne dégagent pas assez vite, n'est-ce pas, ou les squatteurs qui refusent d'être dans la rue. Alors qu'il y a déjà 3,1 millions de logements vides dans ce pays. Ce que cette tribune voulait mettre en évidence, c'est justement cette vue, j'allais dire panoramique, qui dessine finalement une situation inquiétante et qu'il faut démonter. Les lois El Khomri et Pénicaud ont fait basculer le droit du travail dans un droit pour les patrons, qui sont d'ailleurs presque encouragés à devenir des patrons voyous, dans la mesure où, je prenais l'exemple tout à l'heure, le licenciement abusif n'est plus aujourd'hui indemnisé de façon relativement conséquente. Donc c'est la porte ouverte à tout licenciement possible, et par là même, la porte ouverte, bien sûr, à tout chantage, à l'obéissance à l'endroit des salariés. Tu résistes, tu bouges une oreille, c'est dehors. La violence d'État, en réalité, elle emprunte des voies conjuguées mais diverses. C'est d'abord l'insécurité économique. L'insécurité économique qui place de plus en plus d'abord de femmes, d'abord de jeunes ou des étudiants qui doivent travailler pour financer leurs études dans une situation de grande précarité où les avenirs sont interdits. Et là aussi, il faut inventer des droits qui libèrent. Les lois Pénicaud, El Khomri, on en parlait tout à l'heure, furent l'inverse de cela, sous ce rapport. Et puis c'est bien sûr une violence physique et symbolique, une violence physique par la police qui cogne, dont une doctrine désormais fait qu'elle doit matraquer et dont les responsables ne sont jamais jugés, même quand il y a des dérapages graves. On pense à Steve dans la Loire, entre autres choses. Hein, il faut dire que l'IGPN dépend toujours du ministère de l'Intérieur. Donc dans ce type de cadre, ça risque pas d'aboutir très loin. Et la violence, elle est aussi une façon d'intimider, de faire peur systématiquement. Dans les manifestations ou dans une action associative ou de décourager, je disais tout à l'heure, des aides à des migrants dont on n'imagine pas les souffrances pour arriver sur notre territoire. Ils arrivent, ils sont accueillis, désignés à la vindicte publique, alors même que l'on sait que les migrations vont devenir l'enjeu du siècle qui vient, avec notamment les migrants climatiques. Donc cette violence d'État, dont il faut comprendre d'ailleurs qui la produit, elle emprunte toutes sortes de voies, mais en toutes sortes de directions, ça nous fixe d'inventer de nouveaux droits qui libèrent. Alors qui produit cette violence d'État? En réalité, une vision sans doute trop simpliste imagine que c'est juste le petit personnel macronien. Malheureusement, cette violence d'État est le fruit de processus beaucoup plus complexes et structurels. Notamment, l'accession à la tête de l'État, et y compris la prééminence désormais parmi les élites d'État d'une élite neuve, qu'on pourrait nommer, qu'on nomme avec Julie Gervais et Claire Lemercier dans La valeur du service public, la noblesse managériale publique-privée, qui a été formée dans les écoles du pouvoir à Sciences Po, l'ENA, Polytechnique, HEC, l'ESSEC ou dans les business schools anglo-saxonnes, au management dans les canons du privé. À Polytechnique, vous savez, désormais, pour valider, il faut aussi suivre des séminaires communs avec HEC. Et tous ces nouveaux managers ont en commun, eux qui peuplent désormais, non seulement les cabinets ministériels, non seulement les directions centrales des ministères, non seulement les préfectures, mais aussi la haute fonction publique territoriale, et qui vont et viennent du public au privé avec les mêmes recettes. Eh bien, ils ont été formés à la caporalisation des personnels qu'ils estiment sous leurs ordres, de telle sorte que l'injonction violente, le comportement d'adjudant-chef et la répression, quand l'obéissance n'est pas immédiatement au rendez-vous, est ce qui les caractérise le mieux. Ils dissolvent les services sitôt qu'ils arrivent, ils recherchent la rentabilité financière immédiate ou bien la rentabilité immédiate des mesures sécuritaires qu'ils produisent et pas question de discuter. Le tout sécuritaire alimente les votes Le Pen. Et le tout sécuritaire alimente également au quotidien, ce qui est extrêmement, là aussi, à la fois peu perceptible, mais en même temps dangereux, tous les petits porteurs d'autorité. Ça peut être des managers tyranniques, j'en parlais, et c'est presque un pléonasme que de parler aujourd'hui de managers tyranniques, puisqu'ils sont formés à tyranniser. Ça peut être des policiers prompts à tirer, dans n'importe quelle situation, puisqu'ils ne seront pas inquiétés. Mais aussi, par exemple, je l'évoquais tout à l'heure, tous ces vigiles privés qui maintenant, avec la privatisation des services publics, peuplent les services publics. À l'université, vous savez, par exemple, où je suis, des entreprises privées de sécurité, dépêchent des vigiles sur site. Avec des collègues, nous sommes révoltés et on nous a fait comprendre que ça ne changerait rien, ce qui n'empêchera pas de se révolter encore, puisque, par exemple, plusieurs fois par jour, à l'endroit des jeunes étudiantes qui portent un voile, ces vigiles obligent à ouvrir leur sac, à vider leur sac deux, trois fois par jour, chaque fois qu'ils les rencontrent. Donc, les discriminations sans frein dans les métiers d'ordre ou dans tous les petits titulaires d'un peu d'autorité sont la conséquence directe de cette ambiance sécuritaire qu'il faut maintenant renverser. Ces assises citoyennes que nous appelons de nos voeux sont un processus qu'il faut de longue haleine, au moins d'abord sur une année et probablement ensuite. un processus qui sera national et régional, qui va être lancé juste après la mobilisation sur les retraites, ou même pendant, si les exactions policières continuent, et qui d'abord se placera à l'écoute, et qui d'abord consistera en un vaste audit auprès des multiples secteurs que nous énoncions dans la tribune, auprès des professeurs mutés parce qu'ils refusent de formater les élèves à l'entreprise au lieu de les former à l'esprit critique, auprès des migrants et des aides aux migrants bastonnés, auprès des chômeurs qui sont criminalisés comme jamais, auprès des syndicalistes qui de plus en plus sont envoyés devant les tribunaux. C'est au titre citoyen qu'il faut le plus large possible et qui doit aussi entendre, on en parlait, toutes les forces de la jeunesse. Adrien Quatennens pour le groupe La France Insoumise, NUPES. Madame la Présidente, Madame, Monsieur les Ministres, Madame, Monsieur les Présidents de Commission, la hausse des prix atteint des niveaux inédits depuis 40 ans en France et en Europe. Une hausse des prix de 6, 7, 8%, cela veut dire une baisse des revenus, des salaires, des allocations et des minima sociaux de même ampleur. Pour des millions de familles, c'est la vie quotidienne qui est rendue impossible. Bien manger ou se déplacer, partir en vacances ou payer les factures. Et disons les choses, face à la hausse des prix, vous avez capitulé. En effet, vous n'avez pris aucune mesure, pas la moindre, qui s'attaque au mal à la racine. En refusant le blocage des prix du carburant et des produits de première nécessité, vous avez choisi de protéger la rente privée et de faire payer les Français. Le ministre de l'économie dit que bloquer les prix coûterait trop cher à l'État. Mais quelle est donc cette idée qui voudraient que l'État garantisse la rente privée de grands groupes qui réalisent des profits records et ne payent pas d'impôts en France. Total vient de réaliser 17 milliards de bénéfices au premier semestre 2022 et l'entreprise n'a pas payé un seul euro d'impôt les deux dernières années. Dans nombre de pays européens comme l'Italie ou le Royaume-Uni, les profiteurs de crise sont taxés. Mais dans la France de Macron, les Français payent pour les actionnaires qui se gavent et les profiteurs de crise sont bien cajolés. Alors, vous prétendez prendre des mesures pour la protection du pouvoir d'achat dans un projet de loi qui, disons-le, une fois les comptes faits, entérine la baisse de pouvoir d'achat des Français. Vous débordez d'imagination. Primes aléatoires au bon vouloir des patrons, défiscalisés, désocialisés, chèques, rachats de RTT, intéressement, participation, une véritable loterie pour éviter la question centrale, celle des bas salaires et la hausse du SMIC que vous avez refusée en constituant une majorité incluant la droite et l'extrême droite. La même majorité incluant la droite et l'extrême droite qui s'est opposée au gel des loyers. Et tout cela, les Français doivent le savoir. Ils doivent savoir que de Macron à Le Pen, on piétine les revendications des milieux populaires pour protéger les riches et la rente privée. Comme ils doivent savoir que vous avez fait revoter tard dans la nuit un amendement sur lequel vous aviez été battu, qui permettait de revaloriser les retraites au niveau de l'inflation. Que les retraités de ce pays s'en souviennent lors de leur prochain passage dans un bureau de vote. Macron et la droite vous ont fait les poches au cœur de la nuit. Vous ne donnez absolument rien, puisque toutes les revalorisations dans ce projet de loi sont inférieures à l'inflation et auraient de toute façon eu lieu automatiquement un peu plus tard. Le salaire des Français qui ne parviennent même pas à vivre correctement de leur travail n'augmentera donc pas. Mais que dans le même temps, les salaires des dirigeants du CAC 40 aient progressé de 90% en 2 ans pour atteindre la moyenne de 8,7 millions d'euros, cela ne vous dérange pas. Que les 500 familles les plus riches de France aient multiplié leur fortune par 2 sous l'action de votre gouvernement en 5 ans pour atteindre 1 000 milliards d'euros, soit 2,5 fois le budget de l'État, cela ne vous dérange pas. Que les plus fortes progressions de fortune des très riches soient comprises entre plus 108% et plus 900% sur 1 an, cela ne vous dérange pas. Non seulement cela ne vous dérange pas, mais pire, vous y participez par votre politique. Vous êtes les complices du phénomène de sécession des riches qui se gavent et se coupent du reste de la population qui trime et qui galère. Vous êtes définitivement et radicalement l'incarnation politique de la France d'en haut, celle pour qui tout va bien, celle qui sabre le champagne, celle qui prend ses vacances sur les yachts, celle qui fait la fête dans les destinations de luxe et les hôtels aux chambres bien climatisées, celle qui vit ses rêves les plus fous sur les cauchemars quotidiens de la France populaire. Et dans le même temps, dehors, ça chauffe, ça brûle, ça crame même. 3e épisode de canicule et vous rouvrez les centrales à charbon et vous accueillez le gaz de schiste américain au beau milieu d'un projet de loi sur le pouvoir d'achat. Vous, ce n'est pas la cote d'alerte du changement climatique, mais celle des finances publiques qui vous préoccupe. Des comptes en bon ordre sur une planète irrespirable. Voilà votre nouveau slogan. Et les responsables, les 10% les plus riches, vos amis, qui consomment 20 fois plus Merci, d'énergie que les 10% les plus pauvres. J'achève, Merci. Madame la Présidente, aux Merci, Françaises et aux Français... Merci, le temps est écoulé. Je suis navrée, Monsieur Quatennens. Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier. Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix des romances sans paroles, vieilles chansons d'autrefois. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, au clocher, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Oui, je t'aime et je te donne ce poème. Oui, je t'aime dans la joie ou la douleur. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Et je te donne ce poème. Oui, je t'aime dans la joie ou la douleur. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Je t'ai gardé dans mon cœur. Vous avez choisi de faire travailler plus longtemps une partie des Français, en premier lieu ceux qui sont entrés relativement tôt sur le marché du travail. Sans doute estimez-vous que c'est la meilleure solution en revanche. Prétendre que ce serait la seule, c'est commettre un faux dilemme. Et là, on commence tout de même à voir se dégager une tendance. L'hyperbole, c'est prétendre que la situation serait plus grave qu'elle ne l'est en réalité. Le faux dilemme, c'est prétendre que la seule alternative possible, ce serait le pire. Dans un cas comme dans l'autre, au fond, vous activez les peurs des Français. Ma question est donc toute simple. Si vous utilisez à ce point les émotions pour convaincre, est-ce parce que, au fond, vous n'avez pas totalement confiance en votre argumentation? Mais j'assume qu'il y a d'autres voies qui sont possibles. Vous savez, moi, je méprise pas la retraite. C'est un moment où vous pouvez enfin prendre tout votre temps pour vous, donner du temps à votre famille et donner du temps à la société, puisque nos associations, très majoritairement, elles reposent sur des bénévoles retraités qui donnent de leur temps pour les autres. Ça, oui, c'est tout à fait. Et donc, c'est pour, mais ça, c'est pour ça que je vous dis que... En reculant de 62 à 64 ans l'âge de départ à la retraite, vous fragilisez, comme vous venez de le dire justement, les associations qui reposent sur les bénévoles, vous fragilisez les je familles. Pas du tout. Aujourd'hui, autant d'heures de garde d'enfants sont assurées par les retraités que par les assistantes maternelles. Ils ont troqué leur colmaro contre un joli costume trois pièces. Ils ont troqué leurs idéaux contre un petit attaché-caisse. Citoyen de Paris, ma ville, la plage est loin sous les pavés. Vivez en paix, dormez tranquille, le monde n'est plus à changer. Ce n'était alors que jeunes imbéciles, le poil au menton. Ce n'était alors que jeunes imbéciles, les voilà vieux cons. Ils ont troqué leur colmaro pour une tenue plus libérale. Le vieux slogan du père Guizot est devenu leur idéal. Nos 68 arts en colère reprennent un refrain un peu banal. C'est enrichissez-vous, mes frères, en guise d'international. Ce n'était alors que jeunes imbéciles, le poil au menton. Ce n'était alors que jeunes imbéciles, les vrais vieux cons. ils ont troqué leur col Mao et leur vieux look égalitaire pour un costume plus rigolo. C'est la chasuble humanitaire. Ils font la quête avec délice chez ceux qui n'ont plus rien à donner. Et pour établir la justice, s'en remettre à la charité. Ce n'était alors que jeunes imbéciles, le poil au menton. Ce n'était alors que jeunes imbéciles, et les voilà vieux cons. Ils ont troqué leur col Mao pour des tenues plus officielles. Depuis qu'ils fréquentent à gogo les cabinets ministériels. Ah, quel plaisir en redingote sur le perron de l'Élysée, de se faire lécher les bottes par des journalistes avisés. C'est toujours avec les jeunes imbéciles, qu'on le veuille ou non. C'est toujours avec les jeunes imbéciles qu'on fait les vieux. Je sais aussi que nombre de nos compatriotes ont voté ce jour pour moi, non pour soutenir les idées que je porte, mais pour faire barrage à celle de l'extrême droite. Le gouvernement ne parvient pas à marquer des points dans l'opinion. Au contraire, il a perdu une nouvelle bataille cette semaine. Moi, je crois qu'on a été très clair pendant la campagne présidentielle. C'est peut-être même l'un des seuls sujets qui est ressorti clairement et nettement de la campagne présidentielle. Ça ne veut pas pour autant dire que ce sera simple. Ça ne veut pas pour autant dire que c'est populaire. Mais ça change quand même la donne. 6 points de plus en une semaine, 13 points de plus de Français opposés en 15 jours. C'est extrêmement important. Et on voit cette semaine, en plus, une bascule d'un électorat qui, jusqu'à présent, était resté plus en soutien de la réforme. Emmanuel Macron, président des patrons, on veut pas bosser pour toi. Ça donne une approbation de la mobilisation, que ce soit le soutien ou que ce soit la sympathie, qui lui aussi progresse. Près des 2/3 des Français approuvent la mobilisation, 64%. On est au-delà de l'économique, on est au-delà des cadeaux à ses amis les lentilles. Macron l'admet. Lors d'un dîner, il confie à son entourage: ce qui se joue, c'est l'autorité de votre serviteur. Il y a donc eu jeudi dernier, 19 janvier, à l'appel d'une intersyndicale, les premières grandes manifestations très réussies contre la nouvelle réforme des retraites que le président de la République Emmanuel Macron veut nous imposer. Selon les syndicats, ces manifs ont réuni 2 millions de manifestants. Le ministère de l'Intérieur estime, lui, qu'il n'était que, guillemets, 1,2 million. Notons au passage qu'en tel cas, la presse et les médias choisissent généralement de retenir le chiffre communiqué par le ministère plutôt que celui des organisations syndicales. Ça fournit une précieuse indication quant à l'idée que certains journalistes se font de leur métier. Pour autant, même les macronistes ont dû concéder, la mort dans l'âme, que la mobilisation a été exceptionnelle. Près d'un Français sur 30 est descendu dans la rue, et les manifestants ont le soutien massif d'une population qui, selon tous les sondages, est opposée à près de 70% à la réforme des retraites. Est-ce que Macron va tenir compte de ces impressionnantes statistiques, ou est-ce qu'il va plutôt continuer à se rouler dans son ahurissante arrogance? À votre avis? Réponse B, non. Ça doit être B, peut-être, je ne sais pas. B. B est la bonne réponse. Le 19 janvier, le jour même où 2 millions de manifestants défilaient partout en France contre sa réforme, il a donc très tranquillement redit depuis Barcelone sa détermination à mener ce projet à son terme. Ce n'est pas exactement une nouveauté, il fait le coup à chaque fois qu'il engage ce qu'il appelle une réforme. En septembre 2017, par exemple, quelques mois après avoir été élu chef de l'État français pour la première fois, il affichait déjà depuis New York, entre deux manifestations contre sa réforme du Code du travail, sa détermination à réformer. Car, expliquait-il, la démocratie, ce n'est pas la rue. Une affirmation un peu hâtive et qui faisait écho à celle de l'ex-premier ministre Jean-Pierre Raffarin déclarant en 2003 « que ce n'était pas la rue qui gouvernait. En clair, le Parlement doit décider, la rue doit s'exprimer, mais ce n'est pas la rue qui gouverne. Dans la vraie vie, pourtant, la rue, en démocratie, est parfaitement fondée à se mobiliser, par exemple, contre les gouvernants qui abusent de leur pouvoir. Par ailleurs, c'est la rue qui, par ses manifestations, a participé à l'obtention de nombreuses conquêtes sociales. Cette fois-ci, Macron a plutôt brandi l'argument de sa légitimité de président élu en assurant qu'il avait clairement annoncé pendant sa campagne présidentielle qu'il réformerait les retraites et que son élection l'autorisait donc à mener cette réforme à son terme puisque les électeurs ont majoritairement voté pour lui en 2022 en sachant qu'elle figurait dans son programme. On peut pas non plus faire comme s'il n'y avait pas eu d'élection il y a quelques mois. Le chef de l'État nous prend donc une fois de plus pour des imbéciles. Car s'il a été élu au second tour de la dernière élection présidentielle, c'est pour la seule et unique raison qu'il était confronté à une candidate d'extrême droite. C'est pour la seule et unique raison que des millions d'électeurs de gauche, profondément allergiques à son programme et radicalement hostiles à son projet de réforme des retraites, ont tout de même voté pour lui, la mort dans l'âme, pour empêcher l'élection de Marine Le Pen. Je sais aussi que nombre de nos compatriotes ont voté ce jour pour moi, non pour soutenir les idées que je porte, mais pour faire barrage à celle de l'extrême droite. Lorsqu'ils se prévaut de ce vote pour leur imposer une réforme dont ils ne veulent pas et dont ils n'ont jamais voulu, même lorsqu'ils ont voté pour lui, Macron, sans surprise, insulte donc l'engagement de ses électeurs. J'assume totalement. En passant, on rappellera aussi qu'il y a quelques mois, il n'y a pas eu que l'élection présidentielle. Il y a également eu, en juin dernier, des élections législatives où le parti présidentiel a pris la gigantesque tôle qui lui a fait perdre sa majorité absolue à l'Assemblée nationale. C'est d'ailleurs ce qui explique pourquoi il gouverne depuis à grands coups de 49-3, ou pour le dire autrement, à grands coups de passage en force. Mais surtout, on notera que ces déclarations d'Emmanuel Macron mettent en lumière l'extrême hypocrisie dont il fait preuve lorsqu'il en appelle au respect des majorités. Car comme on l'a dit, les Français sont, d'après tous les sondages, très, très, très majoritairement opposés à la réforme des retraites. Répétons-le, ils sont près de 70% à ne pas vouloir du tout de cette réforme. Ça fait une majorité beaucoup plus importante que celle qu'a réélu Macron en 2022 pour faire barrage à l'extrême droite et dont il se réclame aujourd'hui pour mieux imposer sa réforme. Mais pour le chef de l'État, dont le rapport à la démocratie est donc un peu élastique, cette majorité-là, celle des Français opposés à sa réforme, n'a manifestement aucune espèce d'importance. Très sincèrement, comme disait un de mes prédécesseurs, ça m'en touche une sans bouger l'autre. De la même façon, lorsque les membres du gouvernement se félicitent bruyamment de l'ouverture de ce qu'ils appellent le débat parlementaire autour des retraites, comme si ce débat était le gage d'une procédure démocratique exemplaire, ils se moquent de nous. Quand par exemple Olivier Dussopt, ministre du Travail, explique dans le journal du dimanche, 3 jours après les manifestations du 19 janvier, qu'il faut aussi rappeler que le débat aura lieu au Parlement, c'est encore une fois de la poudre aux yeux. Car comme l'a relevé Le Monde dans son édition datée du 22 janvier dernier, le gouvernement a trouvé, pour se prémunir contre la menace d'une obstruction de l'opposition de gauche, un article de la Constitution qui n'avait jusqu'ici jamais été utilisé pour une réforme comme celle des retraites. Il ne s'agit plus cette fois de l'article 49.3, qui lui permet habituellement de passer en force lorsque même le renfort de ses amis de la droite dite républicaine ne suffit pas à lui gagner une majorité à l'Assemblée. Il s'agit du moins célèbre article 47.1, qui est sans doute promis à un bel avenir, puisqu'il permet au gouvernement de raccourcir le délai accordé au Parlement pour l'examen d'un texte de loi. Voilà, cadeau de Noël. Grâce à ce tour de passe-passe destiné à leur faire passer l'envie de déposer trop d'amendements, les parlementaires ne disposeront donc que de 50 jours, tout compris, pour examiner la réforme des retraites. Plus précisément, l'Assemblée nationale disposera de 20 jours maximum pour examiner ce texte en première lecture. Ce n'est bien sûr pas suffisant, mais tant pis pour l'opposition. Au bout de ce délai de 20 jours, quoi qu'il arrive, la version gouvernementale du texte sera transmise au Sénat et l'exécutif, précise encore Le Monde, ne sera pas obligé de garder les amendements éventuellement adoptés à l'Assemblée. Mais bien sûr, les macronistes, dont le chef se montre si prompt à prétendre qu'il a été démocratiquement élu par une majorité qui l'autorise à imposer aux Français une réforme dont ils ne veulent pas, se montrent insensibles à ce déni de démocratie. Normalement, c'est interdit. Ah, mais je m'en fous, en fait. Ils peuvent ainsi continuer à mentir sur la véritable nature d'une réforme, dont ils continuent de répéter qu'elle est juste et nécessaire, mais dont on vient encore d'apprendre qu'elle allait, contrairement là encore à ce que prétend le ministre du Travail, pénaliser les femmes plus que les hommes. Car avec le recul de l'âge légal du départ en retraite, explique le journal Les Échos, qui n'est pas spécialement marqué à l'extrême gauche,

Qui sait qu'une personne qui tient la caisse soulève plus d'une tonne par jour? Les manutentions de charges lourdes. Ici, dans cette salle, combien il y a d'ouvriers de la logistique? La classe ouvrière la plus concentrée d'aujourd'hui, ce sont les employés, les ouvriers de la logistique, ceux qui vont travailler dans les plateformes, qui portent des charges toute la journée, qui doivent obéir à une consigne qui arrive directement dans l'oreille. Et qu'est-ce qu'on leur répond à cela? Mettez-vous un exosquelette. Voilà la trouvaille de cet idiot qui, de sa vie, n'a dû porter un carton pour imaginer que du matin au soir, vous allez mettre un exosquelette. Eh ben, que l'exosquelette aille faire le boulot. Et vous, vous ferez autre chose. Vous le savez tous ici, le mal qu'on a à travailler avec les outils de sécurité, les chaussures de sécurité. Combien de fois vous ne les mettez pas alors qu'il faut les mettre? Le masque pour ne pas respirer n'importe quoi. Combien de fois vous ne les mettez pas? Pourquoi vous ne les mettez pas? Pas parce que vous êtes suicidaire, mais parce que c'est très difficile de faire à la fois le boulot et de supporter tout ça. Je parle de choses qui touchent la vie des gens sans qu'on en parle jamais. 565 personnes chaque année meurent sur leur poste de travail. 1200 de maladies professionnelles qui sont le poste de travail un peu plus tard. Parce qu'on a respiré des saletés, parce qu'on n'a pas su, parce que des fois on ne savait pas qu'on était en train de le faire. Mon grand-père Mélenchon est mort, il s'est tué avec un pistolet à peinture parce qu'il ne savait pas que quand on peint sans masque, on se peint les poumons en même temps. Et ainsi de suite. C'est pour ça que j'en parle ici. Et que je dis, c'est du mépris de classe de dire aux gens, mettez-vous un exosquelette. Si maintenant j'éprouve le besoin d'aller vous narguer, et si leurs larbins se sentent l'autorité d'aller vous conseiller de mettre des genouillères et des exosquelettes, c'est que quelque chose a changé dans l'idée qu'ils se font de leur rapport à la société. Ils pensent que vous êtes des moutons, et donc que vous allez vous laisser tondre. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Une barrière contre la dictature. Il se pose comme quelqu'un qui garantit la stabilité démocratique et la stabilité républicaine dans un moment de menace d'extrême droite. Lula n'est pas un idéologue. Lula est un homme du peuple qui a décidé de sortir le peuple de la famine. Son projet politique est basé sur sa vie. Le meilleur leader du peuple brésilien, destiné à devenir un leader mondial. C'est le Pelé de la politique. Un symbole de progrès, de dialogue, de paix. Un phénix, c'est un phénix. C'est la seconde chance pour le Brésil de se réconcilier avec lui-même. Povo de São Paulo, povo do Brasil, eu quero agradecer a 215 milhões de habitantes que nos consagrou com essa vitória extraordinária e vai ser muito porreta para ajudar a gente a governar esse país. Le 30 octobre 2022, Luiz Inácio Lula da Silva était élu pour la troisième fois président du Brésil. Une victoire historique pour un candidat déjà élu président il y a 20 ans. Une revanche éclatante pour un homme qui a survécu à un cancer, a perdu la plupart de ses proches et a été victime d'un procès politique qui lui a valu 580 jours de prison avant d'être totalement blanchi par la justice. Un destin incroyable pour quelqu'un dont la vie épouse étroitement l'histoire de son pays depuis sa naissance en 1945 dans le plus grand dénuement. La maison où vivait Lula était une maison typique du Nord-Est. Une maison avec juste un toit et un sol en terre battue. Où les gens mangent et dorment au même endroit. Une maison où il n'y a pas de sanitaire. Une maison où on ne peut rien planter parce qu'il n'y a pas d'eau pour pouvoir cultiver quoi que ce soit. Il vient d'une sous-classe, la classe de la famine. Il appartient à la classe qui meurt de faim, ceux qui ne peuvent pas, même s'ils le veulent, devenir agriculteurs. C'est encore en dessous. Une enfance tragiquement brésilienne, dans le sens où il n'a pas de figure du père. C'est une mère qui élève plusieurs frères et sœurs. Certains de ses frères et sœurs n'ont pas survécu. Parce que les maladies prédominaient, pour les bébés c'était très dur de s'alimenter, les conditions d'hygiène étaient limitées. Il est né dans un monde où on n'était pas certain de vivre jusqu'à ses 12 ans. Lula perd en effet deux de ses frères et sœurs. Mourant de faim, la famille migre en 1952 vers la grande ville de São Paulo. Cet exode rural touche alors des millions de Brésiliens. Il vient avec sa mère. Ils sont 8 enfants. Lula est le 7e. Il arrive très jeune. Il a 7 ans et il doit déjà travailler. Il a été cireur de chaussures, puis petite main dans un pressing. Il raconte toujours qu'il était tellement petit que quand il livrait les vestes, il devait lever le bras car il était plus petit qu'une veste d'adulte. Il raconte qu'il ne mangeait jamais de fruits, qu'il a mangé sa première pomme à l'âge de 7 ans, qu'il mâchait des chewing-gums déjà mâchés par un autre enfant. Il a ses souvenirs d'une enfance pauvre dont il parle sans ressentiment. Il en parle comme d'une expérience de vie très forte et c'est un moyen pour lui de se connecter avec les personnes qui vivent encore ça au Brésil. À 14 ans, Lula entre à l'usine Volkswagen où il devient tourneur-fraiseur. Il va être touché dans sa chair par la dureté des conditions de travail. Il perd un doigt, emporté par une machine. Chez Volkswagen a été organisé par l'entreprise un système de répression contre l'engagement politique des travailleurs. Le dirigeant, le responsable de cette répression, était un commandant d'un camp de concentration en Allemagne. Il a été recruté pour venir au Brésil faire ce travail de répression. En 1964, la répression se durcit un peu plus. L'armée fait un coup d'État. Les chars sont dans la rue et la dictature militaire s'installe pour 21 ans. Lula est déjà syndiqué, mais sa priorité n'est pas de combattre la dictature. Il veut avant tout fonder une famille. Mais sa jeune épouse, Maria, meurt en couche, ainsi que son bébé, par manque de soins. Pour surmonter son chagrin, Lula s'investit alors dans le puissant syndicat de la métallurgie, dont il devient l'un des principaux négociateurs. L'histoire de Lula, c'est l'histoire des Brésiliens qui se réorganisent en fonction de l'industrialisation du pays dans les années 60-70. Et c'est cette industrialisation qui crée aussi une nouvelle forme de faire de la politique au niveau des syndicats, des mouvements sociaux qui se sont forgés pendant la dictature militaire, qui crée les conditions pour que Lula devienne un acteur très compétitif. La popularité de Lula commence à se dessiner quand il devient président du syndicat, en 1975. Il redéfinit la stratégie qui est d'être présent aux portes des usines. La force de Lula a beaucoup à voir avec le contact du quotidien. Ce contact n'est pas seulement une présence physique. C'est un contact humain très puissant. C'est une personnalité très attentive aux autres, très affable. Il arrive à intéresser les gens car il ne donne pas des cours. Il dialogue, il discute. C'est un homme qui a une vocation pour la vie publique et qui a cette capacité de communiquer, d'écouter. D'ailleurs, c'est le propre du leader syndical, l'entente et la négociation. Mais malgré ses qualités de médiateur, Lula, leader syndical, n'obtient pas toujours gain de cause. Loin de là. À cette époque, la confrontation avec le régime est très dure. Lula conduit plusieurs grèves pour une amélioration des conditions de travail, pour une augmentation des salaires ou tout simplement pour le droit de faire grève. Et la réponse est souvent très violente. Lula a été arrêté plusieurs fois. Lui et ses compagnons ont été inculpés par la loi de sécurité nationale, qui est la loi la plus répressive instaurée par la dictature. Lula a subi un procès du tribunal militaire. Ce procès a duré des années et à la fin, il a été innocenté. Ce qui montre bien que c'était une tentative de miner, de torpiller son leadership. Cela démontre aussi qu'il était déjà un leader important. Un leader important, en effet, qui est capable de déplacer des dizaines de milliers de personnes lors de ces meetings. Le sindicato sofreu uma intervenção federal. Existe hoje três coisas fundamentais. A primeira delas é a garantia da volta à normalização do nosso sindicato, que sempre foi livre. E nós vimos nessa semana o sindicato tomado por cachorros policiais. Existe uma outra coisa mais importante ainda, que é a reabertura das negociações. Eu não tenho dúvida nenhuma de que com um novo chamamento, companheiros, está na hora de parar. Todo mundo para outra vez. Protégé par sa popularité, Lula n'a jamais été torturé, ni assassiné. Ce qui n'est pas le cas de nombreux autres responsables politiques culturels ou syndicaux pendant ces années de plomb. La prise de risque de Lula, elle commence dès le début de sa carrière parce que elle est, sociologiquement parlant, c'est une prise de risque. Un homme du Nord-Est qui prend un syndicat, qui commence à faire de la politique avec ce syndicat, jusqu'à aujourd'hui, c'est vu comme inacceptable par les élites brésiliennes. Non seulement Lula tient tête à l'élite brésilienne et à la dictature, mais il réalise aussi ces années-là son vœu le plus cher, fonder une famille avec sa nouvelle épouse Marisa. Ils auront 4 enfants et c'est aussi un couple politique. Marisa est une militante et sera de tous les combats. C'est à ce moment-là que Lula acquiert une stature internationale. Lula est un syndicaliste dans les années 80 qui voyage le monde, qui rencontre les grands leaders de la social-démocratie européenne, qui va rencontrer les leaders syndicaux au Japon, qui va rencontrer les leaders syndicaux au Michigan dans l'industrie automobile des États-Unis. Et donc, la trajectoire de Lula se confond aussi avec l'insertion internationale du Brésil du point de vue industriel. En 1980, Lula fonde le PT, le Parti des Travailleurs. Une manière de donner un débouché politique à des revendications qui dépassent depuis longtemps le cadre syndical. Il faut dire que le pays est toujours aussi fermé, la répression toujours aussi dure, les droits politiques et syndicaux toujours aussi restreints. En 1984, il y a eu les plus grandes manifestations politiques de l'histoire du Brésil. À partir de là, la dictature militaire a commencé sa chute. Il y a eu un avant et un après. Lula a été un des leaders de ce mouvement pour des élections directes et il est devenu un leader national. C'était une lutte syndicale au début, puis elle s'est transformée en lutte politique. En tant que femme de la favela, en tant que femme noire et pauvre, je voyais un travailleur qui était en train de créer quelque chose qui me donnait, pas seulement à moi, mais à toutes les personnes comme moi, l'opportunité d'avoir une place et d'avoir une voix. Lula est tout d'abord candidat pour être gouverneur de l'État de Sao Paulo en 1982. Mais il perd largement. Il croyait qu'il allait gagner et il a été déçu car il a eu seulement 12% des votes. La légende raconte qu'il a été avec Fidel Castro et que Fidel Castro lui a dit « C'est la première fois qu'un candidat de gauche a autant de voix. » Continue à lutter. C'est quand même drôle que Fidel Castro donne des leçons de démocratie à Lula. Ce n'est pas exactement une leçon de démocratie. C'est une leçon de persévérance. Persévérant, Lula l'est, en effet. Il est élu député fédéral en 1987. Puis il se présente en 1989 à la première élection présidentielle organisée après le retour de la démocratie dans le pays. Il parcourt alors le Brésil de long en large avec ce qu'il appelle ses caravanes. Tous les politiciens font des meetings, des discours. Durant les caravanes, Lula, lui, allait écouter les gens. Il demandait « Comment va votre vie ici? Quels sont vos problèmes? Qu'y a-t-il de bon et de mauvais? De quoi et comment vivez-vous » D'ailleurs, il a une expression drôle à propos de ça. Il dit « Que possède l'homme? Une bouche et deux oreilles. Pour écouter plus que pour parler. » Cette première candidature à l'élection présidentielle sera un échec honorable. Lula ne se décourage pas et se représente encore en 1993 et encore en 1997. Este momento em que Luiz Inácio Lula da Silva, candidato do PT à présidence da República, vota. Mais il perd à nouveau, car son programme est encore perçu comme trop radical. ele só sabe atender aos interesses dos agiotas internacionais e a política de aumentar juros. Ela significa mais desemprego, quebradeira de indústria, quebradeira da agricultura, vai enriquecer os ricos e empobrecer os pobres ainda mais. Si j'étais lui, j'aurais abandonné. Mais il n'a jamais abandonné. Je me souviens que quand nous perdions une élection, ou quand la situation était mauvaise, parfois, nous, son équipe, on se décourageait. Et il était le premier à nous remotiver, même quand il perdait l'élection. C'était lui qui aurait dû être triste, mais il nous donnait du courage. Et en voyant sa détermination, on réagissait aussi. Le but recherché depuis tant d'années est enfin atteint en 2002. Lula est élu dans la liesse populaire à la présidence du plus grand pays d'Amérique latine. J'étais comme une folle. C'était quelque chose d'inimaginable, une chose extraordinaire. Je me suis agenouillé, j'ai posé mon visage contre le sol et j'ai remercié Dieu car c'était une chose incroyable. Cortando o pé. Revue de presse, eh bien voilà truc que j'ai reçu par Internet, hein, grève nationale de janvier 2023. 205 000 à Marseille, 80 000 à Toulouse, 25 000 à Nice, 25 000 à Tours, 22 000 à Rouen, 30 000 à Brest, 30 000 à Montpellier, 50 000 à Saint-Étienne, 28 000 à Caen, 65 000 à Nantes, 40 000 au Havre, 40 000 à Clermont-Ferrand, 40 000 à Grenoble, 500 000 à Paris, 75 000 à Bordeaux, 700 000 à Lille, 45 000 à Lyon, 30 000 à Orléans, 30 000 à Rennes, 30 000 à Montpellier, 20 000 à Perpignan, 20 000 à Avignon, 20 000 à Amiens, 38 000 à Limoges, 30 000 au Havre, 20 000 à Albi, et combien de 1000 à Épinal, combien de 1000 à Remiremont, hein? Oh non, bon, c'est bien, faudra continuer à voter pour les mêmes, hein, le prochain coup. Mais oui, les Allemands, ils ont bien voté pour Hitler, hein, ça nous a valu une guerre mondiale, 64 millions de morts, etc. Mais voilà, c'est tout, hein, voter, c'est prendre un risque, hein, oui, comme quand on achète un billet de loterie nationale, on prend des risques, hein. On prend le risque de perdre, et puis on prend le risque de gagner. Un risque pour eux. Bon. Alors, comment l'intelligence artificielle ChatGPT estime Remiremont? Depuis quelques semaines, l'intelligence artificielle conversationnelle ChatGPT défraie la chronique. Elle a notamment été utilisée par des élèves de Lyon pour réaliser un devoir scolaire. Nous avons questionné ChatGPT au sujet de Remiremont. Les réponses sont précises, mais pas toujours justes. Alors, oui, j'avais déjà lu un petit peu un passage, hein. Il arrive que ChatGPT se trompe. C'est notamment le cas lorsqu'il a été question de l'homme politique Christian Poncelet. L'intelligence artificielle indique à tort que le politicien a été élu député de la première circonscription des Vosges et au lieu de la troisième. Elle indique également que Christian Poncelet a exercé un mandat de maire à Saint-Dié-des-Vosges plutôt qu'à Remiremont. Bon. Vous voyez, les cabinets, machin, intelligence artificielle, pub, etc., c'est des gens qui sont très commerciaux. Donc, très fiables. Très, très fiables. Ben oui, il faut faire confiance à ces gens-là. Il faudrait voter pour eux s'ils se présentaient aux élections. Hein? Mais oui, le Vosgien, il est malin. Non. Guerre en Ukraine. Volodymyr Zelensky les réclame. Les ex-pays de l'Est veulent les donner. Les Orientaux sont partagés sur l'envoi d'avions de combat à l'Ukraine. Lundi soir, Joe Biden a toutefois indiqué que les États-Unis ne fourniraient pas d'avions F-16 à Kiev. Ah, bon. Ben oui, parce que s'il y en a un qui tombe entre les mains de qui il faut pas, ils vont le démonter pour voir comment il est fait, etc., comment il est réglé, comment... Des avions américains F-15 et F-16 de l'armée sud-coréenne, ce dernier modèle, sans doute le plus répandu dans les cieux mondiaux, est réclamé par l'Ukraine. Voilà. L'énergie reste la principale préoccupation des entreprises. Et le chômage, ça les intéresse, ces entreprises? Et les électeurs? Et les élus? Les députés, les sénateurs, les ministres, tout ça, ils s'intéressent au chômage? Ils s'intéressent aux chômeurs? Eh bien, il faudra les mettre au chômage, eux, leurs enfants et leurs petits-enfants. Ah oui, trois générations de chômage dans la même famille. Allez, faut qu'ils apprennent la vie, ces gens-là. Eh oui, ils connaissent que la théorie, il faut qu'ils apprennent la pratique, hein? Eh oui, puis un sénateur, un ministre qui est condamné par la justice, c'est pas de la prison qu'il faut le condamner, non, c'est aux travaux forcés. Et puis aux travaux forcés en public. C'est-à-dire qu'il faut qu'on le voit manier la pelle et la pioche dans les rues. Hein, et puis 8 heures par jour, hein, sans une demi-heure d'arrêt à midi, hein, ouais, pour manger un casse-croûte en vitesse sur place. Eh oui, bah quand même, hein. Ah oui. Arbeit macht frei, disait l'autre. Ah oui, ben, les gens, ils ont voté pour lui. Eh ben, ils ont vu, ils ont compris. Oui. Oh. Automobile, Toyota confirme sa pole position mondiale. Le groupe japonais Toyota est resté en 2022 le numéro 1 mondial de l'automobile en vente, en volume, pour la troisième année consécutive, avec près de 10,5 millions de véhicules écoulés. 0,1%, selon les données publiées lundi, le groupe allemand Volkswagen est resté numéro 2 mondial en 2022 avec 8,3 millions de véhicules vendus, moins 7%. Et Renault, Renault baissa un peu. Renault était une société nationalisée en 45, mais depuis les électeurs français ont laissé faire beaucoup de conneries, beaucoup de saloperies. Alors voilà. Et Volkswagen, c'était une voiture allemande, la voiture du peuple. Et qui est-ce qui avait donné ce nom Volkswagen à la voiture du peuple? Eh bien, c'était un certain Adolf Hitler. Oui, il était populaire, il était pour le peuple. Eh oui, il lui fallait beaucoup de peuple pour leur mettre des uniformes et un fusil dans les mains pour les envoyer se faire tuer aux quatre coins de l'Europe. Hein? Eh oui, le chômage, encore le chômage, toujours le chômage. Eh bien, continuons avec autant de chômage et ça se terminera très, très, très mal. Très mal. Bon. La Pologne est en croissance économique. La croissance économique s'est élevée de 4,9% l'an dernier en Pologne, après 6,8% en 2021, poussée principalement par la demande intérieure. Et pourquoi la Pologne est en croissance comme ça? Parce qu'elle démarre d'assez bas, d'une part, et puis d'autre part, peut-être que les ouvriers polonais sont tellement mal payés que des industriels français, allemands et autres vont s'installer chez eux et vont les exploiter. Vont les travailler pour les font travailler pour pas cher. Bon, les Polonais, ils ont l'habitude, entre 42 et 45, ils ont travaillé pour pas cher pour les Allemands. Les Français aussi, d'ailleurs. Retraite, les députés entre attente et scepticisme. Ils attendent, les députés. Nos députés, les gens pour qui vous avez voté, ils attendent. Ils sont pas contre la réforme des retraites. Non. Ils sont pour. Oui, ils le disent pas. Mais... voilà. Les quatre députés vosgiens suivront attentivement les débats sur la réforme des retraites qui doit durer 20 jours à l'Assemblée nationale. Et puis alors, ils participeront, c'est sûr, hein. Oui. Oh, ce sont des gens, des partisans de l'action. Des gens qui agissent pour le bien de leurs électeurs. Hein? Eh oui. On vote pour eux, puis après, ils font ce qu'ils peuvent pour améliorer notre situation, votre situation. Hein? Eh oui, il faut bien voter. Si on vote comme des glands, on est traité comme des glands. Alors, que s'annonce ce mardi l'acte 2 des manifestations contre la réforme des retraites? Le texte a fait son entrée en commission des affaires sociales à l'Assemblée nationale, ce lundi, dans un climat agité. Les députés, alors lundi, c'était le lundi 31 janvier, les députés vosgiens espèrent faire entendre leur voix lors des débats. Ils espèrent faire entendre leur voix. Ils espèrent faire entendre leur voix. Hein? Ah oui, on vote pour des gens courageux. Et utile. 45 suppressions de postes envisagées à la rentrée prochaine. La carte scolaire, qui est toujours en négociation, inquiète l'intersyndicale qui monte au créneau pour défendre l'école rurale et inclusive. Inclusive. 45 suppressions de postes sont envisagées à la rentrée prochaine face à l'érosion constante du nombre d'élèves. Alors, érosion du nombre d'élèves, pourquoi est-ce qu'il y a moins d'élèves à l'école? Pourquoi? Parce qu'il y a moins de naissances. Et pourquoi y a-t-il moins de naissances? Parce que les gens sont écœurés par le chômage. Ils sont écœurés par ce que font nos politiques, ce que ne font pas nos politiques. Hein? Ils laissent se développer le chômage. Ils ne font rien pour lutter contre le chômage, nos politiques. Vos politiques. Vosges, les conditions de détention de Sébastien Raoult, plus humaines, explique son père, Paul. Paul Raoult nous parle des échanges qu'il a pu avoir avec son fils Sébastien, extradé aux États-Unis depuis vendredi. Selon son père, le jeune Vosgien qui risque la bagatelle de 116 ans de prison, pour piratage informatique, vit des conditions de détention meilleures qu'au Maroc. Alors les présidents des États-Unis qui ont envoyé des bombardiers bombarder le peuple vietnamien pendant des années, qui ont des milliers de morts sur la conscience, ils ont aussi eu droit à 116 ans de prison? Peut-être pas, si ça se trouve non. Non, peut-être pas. Sont sur Moselotte, une association alerte sur le projet d'extension d'une carrière au col des Haies. Les Haies. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Valérie Debord, première femme à être élue première vice-présidente de la région Grand Est. Eh oui, et le chômage va baisser. Valérie Debord va faire baisser le chômage. le chômage va baisser dans la région Grand Est grâce à l'action efficace, utile de Valérie Debord. Oui, oui, oui. Eh oui. Promis juré. Je sais pas qui promet, je sais pas qui jure, hein. C'est pas moi, en tout cas. Je n'ai plus envie de travailler jusqu'à la mort. On manifeste pour nos parents, dit une jeune. Il y a d'autres moyens de financer les retraites, dit un autre. Les grandes entreprises doivent être mises à contribution. Ah, les gens, ils disent, bon, oui, ils disent comme ça, ce qu'ils ont envie, hein, ah oui. Et puis ensuite, ils votent mal. Bon, et oui. Et puis après, ils subissent pendant des années les conséquences de leur vote de travers. Olivier Faure, premier secrétaire du PS. Il y a des gens qui n'ont jamais fait grève, qui n'ont jamais manifesté, qui sont dans la rue. Il faut que le gouvernement comprenne qu'il est face à une mobilisation massive. Jean-Luc Mélenchon, la France insoumise. La France populaire tient la rue pour sa dignité. Dignité. Oh, il utilise des drôles de mots, Jean-Luc Mélenchon. Dignité. Ah oui, il estime que les citoyens, les électeurs peuvent être dignes. Parfois. Par moment. Hein. Pour sa dignité. Journée de mobilisation historique. Un seuil est franchi. Voilà. Pourquoi les femmes subissent la double peine? Plus précaire, davantage exposées aux violences. Les femmes sont particulièrement vulnérables aux difficultés de logement. Dans son nouveau rapport, la Fondation Abbé Pierre montre aussi que le genre bouleverse la manière même de vivre le mal logement. En France, le 7e pays le plus riche du monde, on nous a dit, hein. C'est peut-être pas vrai, mais enfin bon, un des pays les plus riches du monde. Il y a des gens qui dorment dans la rue. Il y a 6 millions de chômeurs. Hein, il y a des centaines de milliers de personnes qui sont dans la misère. Il y en a des milliers qui dorment dans la rue. Et le député du coin, et le sénateur du coin, ils font rien pour que ça change. Hein? Ha! Allons. Politique, Modem, procès requis pour 13 personnes. François Bayrou, le parc. Quai de Paris a requis lundi un procès pour 13 personnes dont le président du Modem, François Bayrou, qui a été ministre et tout ça, député, et, oui, soupçonné de détournement de fonds publics et de complicité dans l'affaire de l'emploi irrégulier d'assistants eurodéputés. Voilà, ben, il faut mettre tout ça en tôle, tout ça, en tôle d'abord un moment et ensuite aux travaux forcés, ah oui. Parce que, Arbeit Commando, hein, on aurait dit, il y a une certaine époque, parce que c'est pas sûr que ces gens-là, ils auraient été résistants, hein, ah oui, à toute époque, dans tout pays, il y a deux sortes de gens, il y a les résistants et les collabos, faut choisir son camp. Golbe, les 60 ans du traité franco-allemand célébré par le collège Louis Armand. Voilà, 60 ans après la signature du traité destiné à sceller la réconciliation entre la France et la République fédérale d'Allemagne, le collège Louis Armand continue d'honorer cette réconciliation. Diverses actions sont menées avec les élèves germanistes. Alors, la réconciliation entre la France et la République fédérale d'Allemagne. Eh bien non, c'est la République française. République française, c'est pas la France, c'est la République française. Il y a des journalistes qui savent pas qu'on est en République en France. Hein? Ah, ben c'est de l'ignorance ou pire. Bruyère, l'hôpital attend l'agrément de 15 lits de médecine. Oui, oh, ça va s'améliorer dans les hôpitaux. Oui, bien sûr. Les Vosges napoléoniennes se portent bien. Et les Vosges macroniennes, maintenant, et dans 150 ans, les Vosges macroniennes, comment elles se porteront, hein, dans 150 ans. Orpea sauvé par la Caisse des dépôts. Le groupe de maisons de retraite Orpea, secoué depuis un an par des accusations de maltraitance et de détournement d'argent public, va passer sous le contrôle de la Caisse des dépôts, le bras financier de l'État. Alors là, voilà encore des gens à travailler, à condamner aux travaux forcés. Politique, retraite, l'exécutif. Non, il ne faut pas qu'ils soient en prison à lire des bandes dessinées. Les capter politique commettent un crime ou une malhonnêteté, il faut les condamner aux travaux forcés en public. C'est-à-dire qu'il faut que le public les voit travailler, voit que le monsieur le ministre machin, avec son costard-cravate, il transpire beaucoup. Eh oui, il sait maintenant ce que c'est que la sueur et que la corne aux mains et les ampoules. Eh oui, il sait. Il va avoir mal au dos, le pauvre ministre. Eh oui, le pauvre. Non, pas pauvre, hein. Il est condamné. Alors, politique, retraite, exécutif sans tête face à la rue, face à une mobilisation record contre la réforme des retraites et avant deux nouvelles journées d'action, le gouvernement dit entendre et comprendre. Alors, entre guillemets, entendre et entre guillemets, comprendre. La colère des Français sans renoncer au report de l'âge légal de départ à 64 ans qui cristallise le mécontentement. Voilà. Eh oui. Il fallait voter autrement. Voilà. Eh oui. Et puis maintenant, il faut résister. Ah oui, résistant ou collabo, faut choisir. On choisit son camp et après, on subit les conséquences. Épinal, les Nations Unies s'opposent à l'extradition de Sébastien Raoult. Ah, ça c'était le jeudi 2 février 2023. Eh oui, mais voilà, entre-temps, il était envoyé là-bas. Eh oui, oui. Bon, espérons que il survivra à la chose. Hein? Eh oui, oh. Oh là là, vous savez, hein? Oui. Les nouvelles directives des archives départementales des Vosges, une nouvelle directrice, 6 mois après le départ de François Petrazolaire, 6 mois après le départ de François Petrazolaire, Céline Cadieux-Dumont est nommée directrice des archives départementales des Vosges au 1er janvier, voilà, eh ben, il faudra aller aux archives, voilà. Un petit dessin humoristique, une roche en encorbellement, avec une planche posée dessus en équilibre. Elle est en équilibre parce qu'il y a une douzaine de personnes qui sont debout sur le bout de la planche qui est au-dessus de la roche. Hein. Et puis à l'autre bout, il y a un homme politique devant un pupitre et un micro qui dit « Vous n'êtes rien ». Et au moment où il dit « Vous n'êtes rien », sur les 12 personnes qui sont sur la planche, qui le maintiennent en équilibre et qui l'empêchent de tomber dans le vide, il y a une personne qui quitte la planche. Alors, est-ce que les 11 autres vont faire pareil? Et est-ce que finalement, cet homme politique très courageux ne va pas finir par tomber dans le vide et à être anéanti? Eh oui, la divine providence parfois. Guerre en Ukraine, l'Union européenne réaffirme sa solidarité à Kiev. L'Union européenne va réaffirmer ce vendredi lors d'un sommet à Kiev qu'elle se tient aux côtés de l'Ukraine. Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, a même annoncé jeudi que l'Union européenne prévoyait des sanctions contre Moscou d'ici l'anniversaire de l'invasion de la Russie le 24 février, parce que c'est la Russie qui a envahi l'Ukraine, et pas l'inverse. Alors, nous visons à mettre en place le 10e paquet de sanctions, a-t-elle annoncé. Aujourd'hui, la Russie paye un lourd tribut, car nos sanctions érodent son économie, la faisant reculer d'une génération. Oui, et l'augmentation du prix du gaz a fait bien des misères aux Européens, aux Français, aux Allemands et d'autres. Et ce n'est qu'un détail, un détail parmi d'autres qui peut-être nous attendent. La menace Barjols était bien réelle. Le ministère public a requis jeudi des peines allant jusqu'à 5 ans de prison ferme à l'encontre du groupuscule d'extrême droite suspecté d'avoir voulu attaquer élus et migrants. Il assume le caractère terroriste des faits. Les Barjols sont accusés d'avoir projeté d'assassiner Emmanuel Macron en 2018 lors de son déplacement en Moselle pour le centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale. Eh oui, John Fitzgerald Kennedy a été assassiné, Jean Jaurès a été assassiné. La politique, c'est dangereux. Eh oui, pas que pour les électeurs, pour les élus aussi. François Ruffin devrait envoyer Éric Woerth soulever des personnes âgées, décharger des camions. Monter des murs, tenir une caisse ou nettoyer tous les jours les toilettes de l'Assemblée entre 6h et 9h du matin. Parce que sa seule charge de travail depuis 38 ans, c'est de porter l'écharpe. l'école française, le ministre Pape Ndiaye promet des mesures pour favoriser la mixité sociale, de plus en plus mise à mal par l'école publique. L'indice de position sociale du ministère de l'Éducation nationale révèle l'ampleur des fractures. Voilà, l'IPS, c'est quoi ? Alors l'IPS se veut une sorte de thermomètre, l'indice de position sociale, une sorte de thermomètre des chances de réussite scolaire des élèves. Et oui, oui, profession de leur catégorie socio-professionnelle, 54 pour un chômeur, 95 pour un artisan, 157 pour un ingénieur, hein. Les conditions matérielles, l'implication dans l'éducation, au niveau social d'une classe ou d'un établissement, etc., etc. Oui, le changement est parti pour aller dans le bon sens. Hein. Un élève sur cinq dans l'enseignement privé. De quoi sont-ils privés ?